Même si l'été est à nos portes, il est important de penser à notre retraite et de bien planifier notre budget. Service financier Jacqueline Doucet a pour mission de créer votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et souriante, contactez Service financier Jacqueline Doucet au 418-276-6170. Monsieur Jacqueline Doucet et toute son équipe sont très heureux de souligner le 30e anniversaire des promenades du boulevard, un moteur important pour notre économie. On va parler avec table ronde avec nos amis de basket, Charles Dubé-Bret des Raptors 905, filiale des Raptors, et Pascal Jobin. Salut Pascal et Charles. Salut Danny. Salut Danny. On va commencer avec Charles qui est à Toronto. Est-ce que vraiment, c'est une grosse victoire hier, hein? Honnêtement, c'est le genre de match qu'il faut que tu profites dans une série, parce que Klay Thompson n'était pas là, Kevin Durant n'était pas là, et ne sera pas là demain, c'est annoncé par ESPN. Donc ça là, c'est un genre de match qu'il faut que tu profites. Ouais, effectivement, surtout qu'on avait échappé le match numéro 2 à la maison, avec un scénario, disons, un peu qui ressemblait au premier match. Je pense que ça a joué contre nous, dans le sens où on a pris 12 points d'avance au milieu du deuxième quart, puis ça, je pense que ça a donné une petite sensation que, tu sais, on a le contrôle de cette série-là, puis il faut toujours que tu te méfies du fait que Golden State peut revenir très vite, chose qu'ils ont faite au troisième quart. Fait que d'avoir échappé le match à domicile, ça nous mettait la pression d'aller gagner un des deux matchs à Oakland, puis effectivement, qu'il n'y ait pas Klay Thompson dans le match numéro 3, faut que tu en profites. Là, les gens, ils peuvent dire tant qu'ils veulent, il n'y avait pas Thompson, il n'y avait pas Durant, mais c'est pas notre problème, c'est le problème de l'autre équipe. Puis je terminerai à ce point-là en disant, ben, Golden State, ils ont affronté Cleveland sans Kevin Love deux fois. En 2015, ils ont affronté Cleveland sans Kevin Love et Kyrie Irving, qui s'est cassé la rotule dans le premier match. En 2017, moi, je faisais partie de l'organisation de San Antonio. San Antonio menait par 25 au troisième quart, quand Zaza Pachulia il a mis son pied en dessous de la cheville de Kawhi Leonard. Puis les Spurs demeurent convaincus que cette année-là, il y avait ce qu'il fallait pour battre les Warriors. Il avait été meilleur qu'eux en saison régulière quand ils les avaient affrontés. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est pas ton problème si l'autre équipe n'a pas ses joueurs. Les Warriors en ont aussi bénéficié dans le passé, puis là, ben, ça a été à nous d'en profiter hier. Effectivement, donc ça fait partie de la game. C'est justement, si tu n'aurais pas profité, c'est là que ça aurait été dangereux. Tu aurais dû te poser des questions, mais il faut. Oui, puis ça aurait été un gros coup sur le moral aussi, parce que Thompson, nous, on s'attendait à ce que Thompson ne jouerait probablement pas, parce que il y avait un effet psychologique à ne pas le faire jouer. C'est-à-dire que si tu le fais jouer puis qu'il se blesse, tu le perds pour potentiellement le reste de la série, ça, tu pourrais ne pas t'en remettre si t'es Golden State. Après, de pas le faire jouer, tu te dis, ben regarde, il y a des fortes chances qu'on perde parce que peut-être qu'on est pas assez bon sans Durant et Thompson pour battre une bonne équipe comme les Raptors. Mais en même temps, tu prends la chance que si tu gagnes, psychologiquement, tu viens de matraquer l'autre équipe. Puis si tu perds, ben dans ta tête, tu te dis, regarde, on leur a donné une game, mais là, on récupère un joueur un peu plus en santé. Le match numéro 4 devient critique, mais on va être chez nous, on est les champions. On gagne le match 4, on met la série 2-2, puis après ça, ça devient une série 2-3. Il faut juste gagner un match à Toronto. Moi, je pense que Golden State va l'approcher comme ça, puis c'est comme ça qu'on l'anticipait. Mais nous, fallait pas regarder plus loin que le match numéro 3 et dire, ben, regarde, si ce gars-là ne joue pas, il faut qu'on gagne le match, puis après ça, on s'occupera du match numéro 4. Effectivement. Pascal, moi, il y a des gars que j'ai bien aimés hier, qui connaissaient une saison, des séries ordinaires. Danny Green et Mark Gasol, on l'a plus vu du côté des points hier. Hein? J'ai trouvé les Raptors engagés dans ce match-là, du début à la fin. Puis quand tu joues sur la route, la première chose que tu dois faire, c'est commencer très fort pour enlever la foule. Ouais. Et c'est ce que moi, je juge que Toronto a fait avec beaucoup d'énergie. Gasol, je ne me trompe pas, a fini avec 17 points. Puis Danny Green, écoute, Charles, tu es tellement content de le voir avoir sa forme du temps des Spurs, là. 6-10 à 3 points. Il y a une séquence, je sais pas si tu t'en souviens, je pense qu'il reste 2-3 secondes, puis on a presque perdu le ballon, on a récupéré ça. Danny Green récupère un loose ball, il prend un tir flottant d'à 3 points, là. Tu veux dire, c'était vraiment spectaculaire, mais tout fonctionnait très, très bien dans ce match-là pour Toronto. Puis même si Curry a fait 47 points en passant Danny. Moi, je trouvais que Kyle Lowry, Danny Green, Kyle Lowry, il a travaillé en tabarouette pour ses 47 points. Puis on a quand même éliminé le reste des joueurs des Warriors. Là, fait que, moi, je vais juste revenir sur le match numéro 2. C'est un match que si Toronto... Pour moi, je pense que les Raptors vont gagner la série, là, Danny, en passant. Là. Ah ouais, moi, j'ai... Hey, ouais, Charles... J'ai changé mon sujet de fond, je suis honnête. Mais le match numéro 2, imagine-toi, on devrait être 3-0. Là. Es-tu d'accord avec moi, Charles? Oui, après, je pense que peut-être que Klay Thompson aurait joué hier si ça avait été 2-0 Raptors. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être une petite tournure d'événements aussi qui est due au fait que c'était 1-1, ça, faut voir. Mais je suis d'accord avec toi, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on était vraiment pas loin de la victoire dans ce match-là. Oui, c'est ça, on était juste là. Mais on était dû pour en perdre une, Pascal et Charles. Quelque part, ça faisait 5 de fil, les Warriors de Golden State, écoute, c'est pas une équipe de jambon, là, c'est une équipe qui a vu neiger. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que si je prends le quatrième quart du match numéro 2 où les Warriors, pendant presque 5 minutes, n'ont pas marqué, mm-hmm. où Klay Thompson n'a même pas joué dans le quatrième quart, on avait quand même une opportunité de prendre avantage à ça. Puis j'ai senti Toronto pas autant engagé selon moi, que le match numéro 3, parce que du début à la fin, là, c'était de toute beauté. Okay. Écoute, les cinq joueurs partants des Raptors ont lancé 50% ou plus, puis ont 15 points chacun ou plus. Puis Serge Ibaka avec 6 contre. C'est une clinique de basket, là. Oui, effectivement. Ouais, non, hier, c'était vraiment une belle performance parce que justement, on a toujours eu la réponse. Je veux dire, dès que Golden State faisait un petit début de run, c'était toujours soit par une grosse shot en attaque, soit de Van Vliet, de Lowry, de Green, de Kawhi, ou alors un gros stop défensif qui menait à quelque chose de l'autre côté, mais on a toujours eu la réponse pour Golden State hier. Comme tu dis, ce qui est frustrant, en fait, c'est que on a eu dans nos chambres dans le match numéro 2 parce que pendant la séquence où on a joué Box and One sur Steph Curry pendant les 5 minutes et demie à la fin du match où on a eu vraiment beaucoup de looks ouverts où on l'a pas mis dedans. Puis la chose qui est drôle un peu dans cette série-là, c'est que Golden State a scoré 109 points dans chacun des matchs, exactement le même nombre. C'est juste notre attaque qui a varié. Puis dans le deuxième match, il y a beaucoup de monde qui disent « Ouais, Klay Thompson, on n'a pas fait des stops à différents moments. » Nick Nurse, moi, je suis d'accord avec lui, c'est beaucoup plus l'attaque qui nous a fait défaut dans le match numéro 2 parce que... En plus gros détail, la qualité de juste de mettre les tirs dedans ou pas, parce que les analytics qui ont poussé plus loin, qui disent combien de points on aurait dû scorer dans ce match-là selon la qualité des shots qu'on a pris, on était même meilleur un petit peu que dans le premier match. Mais on a scoré dans le premier match quelque chose comme 12 points de plus que ce qu'on aurait dû scorer par rapport à la qualité de nos shots. Puis dans le game 2, on a fait quelque chose comme moins 9. Donc, juste avoir shooté la balle normalement, pas juste exceptionnellement, mais juste normal, dans le match 2, on aurait gagné. Ça veut dire quoi, Pascal? Steph Curry, 47 points, le reste de l'équipe, 36 points. Quand on dit que les Warriors, c'est un 5 partant étoile, tu sais, oui, je veux bien croire qu'il manquait Durant, il reste d'autres joueurs, là. Tu sais, Amon Green, Cousins, c'est sûr que Cousins n'est pas passant pour ça non plus. Mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il manque 50 points de Klay Thompson puis Durant, OK? Ouais. Ça veut dire que Cousins, c'était peut-être une illusion, le match numéro 2, parce qu'il est vraiment pas en forme physique, en top, mais c'est juste un joueur très talentueux. Puis on l'a sorti vite, les Raptors ont sorti vite Cousins, là, je pense qu'il a fini 1-7 du terrain. Il était juste pas là. Et Draymond Green, son succès pour moi, c'est quand t'as d'autres options que Steph Curry. Mais là, Steph Curry a joué un petit peu à la James Harden. Ça va être plus des Houston Rockets. Parce que Steph Curry avait le ballon beaucoup trop dans ses mains, assez de créer beaucoup de choses, mais créer pour lui-même. Draymond Green, son succès, c'est quand il y a Klay Thompson à droite, Curry à gauche, Looney pour les alley-oops. Tu sais, là, il y avait pas vraiment d'options. Fait que je sentais hier, honnêtement, là, on aurait dit que c'était les Houston Rockets sans Chris Paul puis James Harden qui prend 50 shots, tu sais. Fait que Curry, il a une performance individuelle spectaculaire. Je pense que c'est son plus gros pointage dans une finale, dans sa carrière, 47 points. Puis je pense que c'est la première fois, je pense qu'il a joué 41 minutes. D'habitude, il joue jamais plus que 38, 39 minutes. Là, il a dépassé 40 minutes. Fait que, écoute, je pense que Toronto, comme j'ai dit tantôt, on joue un match spectaculaire, un plan de match exécuté à perfection. Le banc, les joueurs de soutien des Raptors ont performé vraiment à un haut niveau. Mais là, tu sais, je veux rien enlever à Toronto, mais c'est parce que c'est pas la même équipe. Non. Je pense, avec ses absences. Enlève Kawhi Leonard des Raptors, Charles, t'es d'accord avec moi, c'est une équipe différente. différente, mais c'est une équipe quand même qui a eu une bonne fiche pareil. Souvent, c'est sûr que les séries, tu vas me dire les séries par saison régulière, c'est deux saisons différentes, mais Kawhi, à quelque part, il a eu plusieurs matchs qu'il n'a pas joué cette année. Là. Mais Kawhi, au niveau de load management, il a manqué 22 matchs, je pense, cette année, mais c'était des 22 matchs quand même bien planifiés, bien organisés par les Raptors. Puis les Raptors, il y avait déjà ce qu'on appelle le back-end du back-to-back, on joue le soir de suite, donc le deuxième soir, ou des fois le premier, quand on jugeait, mettons, si tu joues Phoenix le premier soir, puis Milwaukee le deuxième, il va jouer contre la grosse équipe, parce qu'on pense qu'on peut battre l'équipe plus faible sans lui. Mais on a fait 17-5 cette année sans lui dans les 22 matchs où il était pas là, parce que les Raptors ont quand même aussi, c'est quelque chose que nous, on voit beaucoup de l'intérieur, des fois que les gens réalisent un peu moins, mais le système offensif des Raptors est très, très bon, puis très efficace, puis il est souvent plus facile à exécuter sans Kawhi Leonard. Pas parce que Kawhi est Kawhi, c'est juste que dans le basket, dans le basket, comme on voit les Warriors, quand ils n'ont pas Kevin Durant, qui en reviennent à leur équipe ancienne avec Draymond Green, Steph Curry, Klay Thompson, la balle bouge mieux. Le système est plus efficace parce que tu as moins justement la présence d'un gars à qui tu donnes la balle puis tu t'enlèves du chemin pour le regarder travailler. Kawhi est un peu comme ça, sans dire que c'est un défaut, parce que si tu n'as pas ça dans ton équipe, c'est très dur de gagner en playoff. Quand tes défenses sont très organisées contre tes systèmes offensifs, c'est dur de juste bouger la balle puis de trouver un gars qui va être tout seul, parce que les équipes vont prévoir à peu près tout ce que tu fais, vont switcher sur beaucoup d'écrans, donc c'est compliqué de carrer comme ça. Fait que quand les possessions finissent, ça te prend ton closer pour lui donner la balle puis dire ben écoute, mon chum, il reste 6 secondes, peux-tu nous créer quelque chose s'il te plaît, puis Kawhi est un des meilleurs de la ligue à ça. Et quand on n'a pas eu Kawhi cette année puis que t'affrontes, je sais pas moi, t'affrontes les Suns, t'affrontes les Knicks, t'affrontes ce genre d'équipe, les Bulls, les Hawks, puis là tu te dis ok, ben aujourd'hui on va les jouer sans Kawhi. Les Raptors sont tout à fait capables d'arriver puis de juste exécuter leur système contre des équipes plus faibles puis gagner avec ça, mais comme tu l'as dit, tu peux pas faire ça en playoff contre les Bucks, les Sixers ou les Warriors. Oui, effectivement. Demain, c'est confirmé que Klay Thompson va jouer, mais ça veut dire quoi, Klay Thompson? Ça veut dire que tu sais, il est clair qu'il est pas en top shape là. Est-ce que ça veut dire que mais juste sa présence peut changer le plan de match? Oui, c'est sûr que oui, parce que ça rajoute un autre shooter d'élite dans leur système offensif, ce qui fait un peu comme Pascal le disait, que quand Draymond Green va avoir la balle en haut de la clé, d'un côté il va avoir Curry, de l'autre côté il va avoir Thompson, donc quand ils jouent toutes leurs actions à deux, pis c'est toujours compliqué avec eux, parce que comme je disais l'autre jour, tu te montres un peu trop puis tu vas avoir le grand qui slip au panier puis ça fait des alley-oop à Looney puis à Bogut puis à ces joueurs-là, mais quand tu te montres pas du tout, ben ça donne des trois points, donc c'est compliqué. Là au moins, ben on pouvait tricher un peu plus d'un côté du terrain hier avec Steph Curry en se disant ben de l'autre côté tant pis, c'est Iguodala, c'est Quinn Cook, c'est Yerebko, c'est McKinney, alors que là ben il y a beaucoup de ces minutes là qui vont être pris par Klay Thompson. Puis Thompson, c'est aussi un défenseur élite, c'est lui qui a pris le plus gros de la responsabilité sur Kawhi Leonard dans le match numéro 2, ce qui décale tout le monde. Ça veut dire que Iguodala devient un défenseur en aide, Draymond Green est un défenseur en aide, etc. Puis c'est plus compliqué pour les Raptors de trouver des looks, donc c'est un gros facteur. OK, Pascal, est-ce que j'étais je vous fais une pause après ça, puis j'ai deux, trois questions que je veux poser. Je suis absolument d'accord. Puis comme Charles l'a dit, puis comme on a mentionné, même si ce n'est pas à 100%, psychologiquement, Toronto doit quand même respecter qu'est-ce qu'il va faire. T'sais, tu ne peux pas le laisser tout seul. Tu peux pas. Sa présence est très, très importante pour le match numéro 4. Puis on va voir si le gamble des Warriors de ne pas le faire jouer au match numéro 3, leur poser deux jours de plus, va payer, parce que pour les Warriors, ils doivent absolument gagner match numéro 4. Ah oui, ça pourrait être fini vite. OK. On va faire une pause. J'ai deux, trois questions que je vais vous poser. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue d'une table ronde sur la série Warriors Raptors, les ondes de danazosport.com. Même si l'été est à nos portes, il est important de penser à notre retraite et de bien planifier notre budget. Service financier Jacques-Lin Doucet a pour mission de créer votre indépendance financière grâce à des stratégies personnalisées. Nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et souriante, contactez Service financier Jacques-Lin Doucet au 418-276-6170. Monsieur Jacques-Lin Doucet et toute son équipe sont très heureux de souligner le 30e anniversaire des promenades du boulevard, un moteur important pour notre économie. On est de retour à danradiosport.com. Pascal, j'ai deux questions. Après ça, on va aller avec Charles. Des questions que Charles peut pas trop répondre. Mais Pascal, toi, t'as la liberté de répondre. 50 000 $ pour dire ce que tu penses d'un joueur, c'est des peanuts pour Doc Rivers. Je fais allusion, évidemment, à Doc Rivers qui a été mis à l'amende par la NBA sur le talent de Kawhi Leonard. Mais tu fais allusion à son salaire, parce que 50 000, c'est quand même 50 000. Là. Ouais, mais c'est un piastre pour moi et toi. C'est quoi, lui, ouais, pour lui, ouais. Doc Rivers, là? Non, c'est parce que les entraîneurs, tous les gens de l'organisation peuvent pas faire de commentaires sur un autre joueur de notre organisation, que ce soit dans une entrevue, que ce soit à la télévision, que ce soit dans une conférence de presse, que ce soit dans une conversation filmée par rapport au fait que tu peux pas parler de Magic qui a reçu, je pense, c'était presque un demi-million, qui a fait des commentaires soit sur Ben Simmons ou des commentaires sur des joueurs. Fait que Doc Rivers, dans l'entrevue, a dit qu'il comparait Kawhi à Michael Jordan. Et c'est pour ça qu'il y a eu une amende, parce que tu peux pas vraiment, c'est comme si tu flattais quelqu'un que t'espères qu'il va venir, surtout que c'est l'entraîneur-chef des Clippers, et la rumeur est que Kawhi peut-être va quitter Toronto pour Los Angeles. Okay. Los Angeles Lakers ou Clippers. Deuxième question. Est-ce que l'histoire de Kawhi, ce serait acheter une maison à Toronto? Ben, me semble qu'à quelque part, si c'est vrai, puis ça semble c'est vrai, là. Si t'es pour partir, on sait que c'est un autre monde, là, ces gens-là, on le sait tout, là. Mais quand même, il n'achètera pas une maison de 500 000, là. Lui, il va acheter une maison de 10-15 millions. Mais ça, mais si t'es pour partir, là, t'arrêtes pas de maison. Moi, je pense que ça, il y a une maison à Montréal, puis il n'y a pas d'équipe NBA, là. Puis il y a à Toronto aussi, là. Ouais. Je pense qu'il veut être à l'aise. Fait que je pense que quand tu fais à peu près 30 millions par année, ben, c'est pas ce qu'il fait cette année, là. Tu peux t'acheter une maison à Toronto, puis tu peux en avoir une à Los Angeles. Ben oui, c'est sûr. Je pense que LeBron James, j'ai deux maisons à Los Angeles. Okay. Moi, je pense qu'on va focusser Danny sur la série, puis qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est sûr que la conversation, elle est existante par rapport à qu'est-ce que Kawhi va faire, que les Raptors gagnent ou non. Puis ça, tu peux faire quasiment une émission complète. Ça. OK, bon. Mais Charles, je vais te poser la question. Les Warriors des années 2016, 2017, 2018, ou les Bulls des années Jordan, Pippen, Kukoc, Rodman? Ben, moi, je pense que globalement, le basket, il est offensivement beaucoup plus développé maintenant qu'il l'était à l'époque. Ouais. Le jeu était plus physique dans les années 90, mais c'était aussi dû au fait que, comme beaucoup de joueurs ne shootaient pas à trois points, ben, j'ai envie de te dire, si tu prends 10 êtres humains puis tu les mets dans une surface plus petite, ils vont se rentrer dedans plus souvent, puis le jeu va avoir l'air plus physique aussi. Donc, c'est une réduction un peu du jeu des années 90 que je dis là, mais Steve Kerr avait bien répondu à cette question-là quand ça y avait été posé, puis il disait, tu sais, il dit, je pense que moi puis Bill Wennington, on aurait eu bien de la misère avec le pick and roll de Steph Curry puis de Kevin Durant, là, tu sais. Cela étant dit, ça enlève rien à ce que Jordan a fait, puis ce que Pippen a fait, puis ce que cette équipe-là valait, qui est une des plus grandes de tous les temps. Moi, j'aurais tendance à favoriser les Warriors parce que je pense qu'offensivement, ils sont beaucoup plus explosifs que les Bulls de cette époque-là. Je pense que les Warriors aussi, puis les stats avancées semblent à peu près toutes démontrer que les Warriors, c'est une meilleure équipe que les Bulls. Puis l'autre chose aussi qui me fait dire ça, c'est qu'on est à une époque où les équipes d'élite, maintenant, pour gagner, il faut que tu aies 3 voire 4 très, très bons joueurs. Quand tu regardes les années 90, il y a beaucoup de, la plupart des bonnes équipes avaient un bon joueur ou deux. Puis on parlait d'avoir un 1-2 punch. Puis quand t'en avais deux, ben, t'étais dans la conversation pour gagner le championnat. Mais depuis 7, 8, 9 ans, c'est des équipes à 3 voire 4, des collections d'All-Star que ça te prend pour pouvoir être là. Puis je pense que, est-ce que Jordan et Pippen ensemble sont aussi bons que les deux meilleurs joueurs des Warriors? Ça, je pense que oui, c'est une vraie discussion, mais je trouve que le reste de l'effectif de Rodman, c'est un défenseur d'élite, mais tu peux facilement faire l'argumentation que défensivement, Draymond Green, il vaut Rodman, puis qu'offensivement, il est plus fort, prend moins de rebonds, bien sûr, puis qu'après, ben, si tu prends tous les autres joueurs qui ont déjà d'avoir Curry et Durant et Thompson dans la même équipe offensivement, je dis rapidement, faudrait comparer Ron Harper, ces joueurs-là, ouais. Longley. Donc, moi, si j'avais à choisir entre les deux, je prendrais les Warriors. Mais Kukoc, c'était pas mauvais du tout. Kukoc, c'était tout un joueur, Kukoc. Toi, Pascal, on en a déjà parlé. Ouais. Tu m'as même dit que Michael Jordan. Je comprends ce que Charles veut dire, mais personnellement, ce qui est difficile dans la situation, c'est que le basket. Jordan, il ferait probable. Kawhi, il y a 16 ou 18 lancers francs. Tu veux dire? Ouais. Jordan en aurait 40. Parce que de nos jours, tu peux pas toucher à personne. Dans le temps de Jordan, il y avait 15 lancers francs dans une ligue où il savait quasiment un coup de poing, puis l'arbitre le regardait en disant arrête de faire ton bébé là-là. Fait que il y a beaucoup de variantes. Moi, je pense que si Toronto pas les Warriors, on va regarder les Bulls parce que Marco, il en a gagné 3 de suite. Il s'est reposé puis il en a gagné 3 de suite. Fait que je pense que pour moi, tu prends les Bulls, tu les mets dans le système de nos jours, avec les règles de nos jours, avec Rodman, avec Kukoc, avec Grant. Écoute, je pense que les Warriors, non. Je pense pas qu'on a la physicalité pour jouer contre les Bulls des années 90. Mais comme Charles l'a dit, si on prend les statistiques de tout ça, maintenant, Jordan, je pense qu'on Portland, il est rentré 6 en 6 à 3 points, mais c'était pas quelque chose qui était dans le concept. Mais je pense que si tu prends ces athlètes-là puis tu le compares avec les athlètes de nos jours, puis je m'excuse Charles, mais Rodman va tuer. Rodman il scorerait pas parce que ça il tentait pas de scorer là. Mais il va tuer. Au niveau de physicalité, il va tuer. C'est une balieuse, Rodman au panier. C'est une balieuse. Mais c'est une conversation, Charles. On sait très bien générationnel. Puis c'est pas facile. Est-ce que les Celtics ont gagné quoi 11 championnats? Tu sais, mais à l'époque il y avait 8 équipes puis les meilleurs joueurs jouaient pour Boston. Faut pas se mentir là. C'est super dur de comparer les époques, c'est pour ça que c'est une vraie discussion dans tous les sens. Moi, je pense que déjà quand j'entends quelqu'un dire c'est sûr que ce serait les Bulls ou c'est sûr que ce serait les Warriors, pour moi cette personne-là a perdu toute crédibilité tout de suite parce que c'est comme le débat LeBron James Michael Jordan, tu sais, je veux dire les plus grands analystes du basket qui font ça de leur vie, qui font que regarder des games, puis analyser des stats avancées et tout ça, tu sais. Ce que eux te diraient tous, c'est que déjà, il y a vraiment matière à débat. Après, on peut dire, OK, si j'avais à gagner une game avec ma vie en jeu, je prendrais Jordan parce qu'il est plus compétitif. C'est un argument valable. Mais il y a un argument valable qui veut dire, ben, dans l'absolu, LeBron James est un meilleur rebounder et peut défendre les 5 positions. Il est plus grand, il est plus fort physiquement, il shoot mieux à 3 points, il est meilleur passeur. Fait que, tu sais, puis tout ce que je viens de dire là est vrai aussi. Donc, c'est pour ça que de toute façon, c'est un débat. Puis après, effectivement, souvent l'époque où on a grandi modifie un peu ce qu'on pense parce que la plupart des gens qui ont 35, 40 ans et plus, j'ai envie de dire, tout le monde pense que Jordan est meilleur. Puis les gens qui ont 25 ans et moins, ils pensent tous que LeBron est meilleur. Donc, il y a un argument générationnel là-dedans, mais globalement, c'est vrai que le basket était plus utilisé qu'avant, mais je pense vraiment que moi, j'ai re-regardé des matchs avec du recul, des matchs qui ont eu lieu il y a une vingtaine d'années, puis j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de ces équipes-là, puis beaucoup de ces joueurs-là que je croyais des dieux, des joueurs tellement forts, puis quand je les ai revus jouer après avoir vu du basket actuel, j'ai dit, OK, oui, c'était peut-être physique, mais en termes de skills et de vitesse, ça avait rien à voir avec le basket d'aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je dis, les équipes d'aujourd'hui seraient dures à défendre, même si je suis d'accord avec ton point, Pascal. Oui, Dennis Rodman, effectivement, physiquement, je veux dire, il s'en laisserait pas imposer par Draymond Green. C'est juste que les Warriors jouent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que n'importe qui jouait dans les années 90. Puis je pense que la physicalité des Bulls, elle serait mise à l'épreuve parce que les Warriors peuvent scorer à 30 pieds du panier, alors que la physicalité des Bulls, par exemple, contre les Lakers de Shaquille O'Neal, là, je peux dire, OK, oui, les Lakers, ils scoraient leurs points près du panier, surtout, donc là, les Bulls pourraient être physiques avec eux. À quel point les Bulls pourraient être physiques avec les Warriors, c'est peut-être ça qui me fait penser. C'est-à-dire les Warriors sont capables d'exploiter tout le terrain d'une façon qui n'existait pas dans les années 90. Ouais, absolument. Pascal, tu avais quelque chose à ajouter? Ouais, je veux juste dire, non, c'est que ce qui est difficile, comme Charles l'a dit, c'est que moi, je me dis, ben, si la mentalité de Phil Jackson en 90, c'est de shooter 35 3 points, tu sais, je sais pas si c'est Charles, quand les Spurs ont battu le Heat, Popovich avait dit, j'aime pas ce basket-là, mais on a pris 33 3 points dans le game, tu sais. Il est old school, mais c'est ajusté au basket. Fait que, des fois, si tu prends des individus pis tu les mets dans une situation, est-ce que Steph Curry, des années 90, ferait ce qu'il fait? T'entends Kenny Smith dire, on l'aurait mis sur son cul après une shot de half-court, il n'y aurait pas shooté toute le fois. Mais à l'époque, tu avais quasiment le droit de toucher à quelqu'un. Ouais. Est-ce que le premier vrai shooter, c'est Larry Bird? Hein? Le premier bon shooter? Là? Non, mais Larry Bird est reconnu comme un. Tu sais, Steph Curry a carrément tué les statistiques de Larry Bird en 4 ans. Ouais, mais premier, je te parle du vrai bon shooter, le premier, là. C'était Bird, hein? C'est dur de dire ça parce qu'il y avait il y a eu des shooters avant ça. Okay, c'est juste que c'était un peu moins exprimé dans le jeu de la façon de le faire. Mais tu sais, Calvin Murphy dans les années 60, début des années 70, c'est un bon shooter. Il y a Jerry West, c'est un shooter exceptionnel. Mais c'est juste que les gars n'étendaient pas leur range aussi loin que maintenant parce qu'il n'y avait aucun intérêt à le faire. Il n'y avait même pas de ligne à 3 points. Fait que shooter à 17 pieds, c'était aussi valable que de shooter à 25 pieds. Au jour d'aujourd'hui, ben, déjà, tu scores un point de plus quand tu as un 3 points. Puis en plus de ça, ben, si tu es capable de shooter 2-3 pieds derrière la ligne, tu vas vraiment créer des lignes pour driver au panier qui sont vraiment intéressantes pour tes athlètes, ce qui n'existait pas tant que ça avant. Bird, c'est un des premiers qui a mis je me rappelle quand j'étais petit, puis je jouais au hockey, on disait, ouais, Bernard Geoffrion, il a inventé le lancer frappé. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a inventé ou c'est lui le premier qui l'a utilisé autant puis qui a fait en sorte que tout le monde a dit, mis... Donc, Bird, c'est un peu ça, mais pour revenir à ce que Pascal vient de dire, Steph Curry, pendant la saison 2015-2016 et 2016-2017, là, pendant deux saisons de sa carrière, ça fait 10 ans qu'il est dans la ligue, pendant deux saisons, statistionne ses trois points réussis. Il en a rentré plus que Larry Bird dans sa carrière au complet en deux ans. Okay. Donc c'est rendu à un autre niveau. Là. Très intéressant comme débat. Messieurs, on s'en reparle la semaine prochaine pour la table ronde encore. On continue? Ça va faire plaisir. Merci beaucoup, Charles Dubébret et Pascal Jobin.